CFOU 89.1. Cette semaine, au Mathieu Planche. Dans le segment Geek Ciné, c'est un genre de Shazam pour comprendre les chants d'oiseaux. Moi, j'aimerais une application pour comprendre l'existence du film Shazam avec Shaquille O'Neal. Dans Television, une émission d'Isabelle Racicot a pris 2 est annulée avant même de commencer. On devrait encourager TVA à faire ça plus souvent. Et dans la geekette en devenir, remplacer les espaces blancs du web par des chats. Moi, je dis qu'on pourrait afficher de la pub sur tous les chats blancs du monde. Et Mathieu Planche avec Mathieu Planche. Comment? Tout de suite! Et voici celui qui devrait être remplacé par un chat parce que ça ferait un meilleur show. Miaou, tu es plein! Bonjour et bienvenue au Mathieu Planche Show avec Mathieu Planche. Je m'appelle Isabelle Racicot et un peu comme Isabelle a besoin d'une job qu'elle pourrait garder pendant plus qu'un an, j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler, donc j'accueille Marie-Ève Picard. Je m'accueille moi-même. T'accueilles toi-même, mon Dieu. Salut Marie-Ève. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Cool, oui, très bien. Très heureux de pouvoir passer une heure à parler de choses geek. Mm-hmm. Ça manque ça dans ma vie. Hein? Je faisais pas juste ça. Ben non. Donc, plus tard à l'émission, on aura Stuff It Academy, Television, la geekette en devenir à la fin de l'émission. Oui. Bien sûr. Dans quelques instants, on va débuter avec le segment Geek CNX, mais avant ça, on va écouter un petit peu de musique chiptune. Oui, ah ça, si je peux en écouter, je peux écouter que ça de la semaine. Si je peux mettre ça toute la journée à Assemblage requis puis au palmarès, c'est fou. Wow, le V pas fou. Si David Ferron peut faire un palmarès musique du monde, je peux faire un palmarès de musique chiptune, hein? Ben là, c'est pas parce que David Ferron fait ça qu'elle est obligée de le suivre. Non, faudrait pas nécessairement s'inspirer de David Ferron. Donc, on va débuter avec l'artiste The Flight Away. Voici Aces in the Sky. Ça, c'est fou. La pièce Aces in the Sky par The Flight Away, musique chiptune, donc de jeux vidéo au Mathieu Planchot. Ouais. Moi, j'aime ça. Fait que, jugez-moi pas. Ben non, là. OK. Tiens, parlant de choses geek, ben commençons avec la chronique la plus geek de la radio. C'est. Comment t'appelles ça déjà? Excuse-moi. C'est. X, CNX. Oh, tu as eu. CNX, c'est la chronique la plus geek de la radio. Vous l'aurez entendu par la délicieuse voix de Marie-Ève Picard. Ah ben oui, si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Oui, quand ça vient de la bouche d'une jeune adulte. Exactement. Geekette en devenir. Donc, CNX Butin Geek, commençons avec un festin olfactif à même votre téléphone. What? Donc, c'est les Japonais qui pourront désormais déguster de la viande grillée avec leur nez par l'entremise de leur téléphone intelligent et d'une nouvelle application mobile qui sera lancée dès le mois prochain. Mais ouais, ça a l'air bizarre d'une manière. Appel vidéo, furteur web, courriel et argent électronique. Si certaines de ces fonctions sont maintenant courantes au Québec, c'était déjà le cas il y a une dizaine d'années au Japon et ils sont à l'avance sur nous. Le Japon est en avance, donc sur tout. Lorsqu'il est question de téléphonie mobile, autant pour les appareils que pour les accessoires qui s'y rattachent, nous dit branchez-vous.com. Même ceux qui peuvent parfois sembler plus loufoques qu'utiles. Donc, à partir du 15 novembre prochain, on va pouvoir ajouter une chose de plus à la liste des expériences possibles pour nos amis japonais par l'entremise de leur cellulaire. Grâce à l'application Hana Yakiniku, donc nez et viande grillée, mises ensemble, c'est du japonais. Ils pourront simuler le fait de manger de la viande simplement en inhalant les odeurs émises par un appareil branché sur leur téléphone. Ceci procurerait, selon la compagnie qui l'a créé, plusieurs avantages à celui ou celle qui l'utilise. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'on introduise une technologie ciblant le sens de l'odorat au Japon, on dirait bien que cette pratique est en train de devenir de plus en plus courante. Donc le concept, en reniflant des odeurs de yakiniku, qui est un mets si populaire et délicieux au Japon, on pourrait en simuler le goût même si ce qu'on met véritablement sous la dent n'est qu'un bol de bon vieux riz blanc. Donc tu manges du bon vieux riz blanc, tu sors ton téléphone et ça te donne l'odeur du Yafou de la patente là. Donc il vous faudra télécharger l'application Hana Yakiniku pour iOS et vous procurer l'accessoire Senti, un appareil qui permettra à votre iPhone ou iPad d'émettre les odeurs pour votre festin de viande virtuelle. Il faudra aussi une cartouche d'odeur conçue spécialement pour l'application. Il y en a trois. Il est question de varier vos repas. Donc, côte levée, langue de bœuf et pomme de terre au beurre. Pomme de terre au beurre! C'est drôle! Il sera également possible pour les Japonais de se procurer une trousse Hana Yakiniku sur Amazon, comprenant le périphérique et une cartouche. Donc, vous lancez l'application, sélectionnez l'odeur associée à votre cartouche dans le menu, insérez le Senti dans la prise écouteur de votre appareil mobile, flairez la délicieuse odeur qui s'en dégage et dégustez votre riz. La trousse de départ coûte 35$ et chaque cartouche coûte 10$. Il semblerait que le riz blanc comporte moins de calories que la viande grillée. Donc, tu vas avoir l'impression de manger du repas gastronomique parce que l'odeur, évidemment, est liée avec la bouche et tu manges du riz qui est bon pour toi. Un féculent, c'est ça qu'on appelle? Oui, exactement. J'apprends vite, hein? Mais je sais pas. Non. Je sais pas. Ben, tu sais, il me semble, mettons, tu manges une petite salade verte, là, genre. Ouais. Et puis ça sent la poutine. Ouais, non. J'avoue que... Faudrait qu'ils l'adaptent au Québec, là. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, ça adapte de même. Poutine, cheeseburger, pizza. Maintenant, parlons d'oiseaux un petit peu. Le projet d'un Shazam style pour les chants d'oiseaux. Donc, pour les amateurs de musique, il existe Shazam, on le connaît. Et pour les apprentis ornithologues, il y aura bientôt Birdify. La société française Biosong développe une application mobile pour reconnaître les chants d'oiseaux et vient de recevoir plus de 150 000 euros de la région Aquitaine pour mener ce projet à terme. Basé à Carignan-de-Bordeaux, en Gironde. On dirait des oiseaux, justement, tu sais, Carignan. Oui, de là-bas. Bordeaux, oui, Gironde. L'entreprise Biosong ne cache pas s'être inspirée du fonctionnement de Shazam pour son projet. Donc, à partir d'un simple enregistrement du chant d'oiseau depuis l'application, Birdify devrait permettre d'identifier l'espèce parmi les 150 référencées en Europe. C'est quand même pas pire, hein, mais ça m'étonne qu'il n'y avait pas ça avant. Déjà, ouais, pour vrai. Oui, tu sais, il me semble, j'en dirais que c'est comme... On peut siffloter une chanson sur une application web, puis ils vont deviner la chanson. Ouais. Donc, les oiseaux, c'est la même chose. Tu vois comment je suis bon siffleur. Ben oui, hein, c'est ça. L'équipe de Birdify travaille à l'élaboration de ce moteur de recherche depuis 2 ans. Donc, 10 à 12 chants sont nécessaires pour identifier une espèce avec précision parce qu'il existe des chants de printemps, d'hiver ou encore d'amoureux. Ooh. Il y a différentes variantes, ça rend la chose difficile. Ouais. Une fois l'espèce identifiée, Birdify donnera accès à différentes ressources sur l'oiseau, donc photos, dessins, habitat, environnement, mythes, etc. L'application se veut pédagogique, mais souhaite aussi proposer une expérience de science participative. Le prototype devrait voir le jour courant printemps 2014, donc ça va être les oiseaux de printemps. Mm-hmm. Ils vont commencer par ça. C'est ça. Et l'application sera disponible sur iOS et Android. Cool. Magnifique. Et il va falloir des applications pour chaque animal qui fait des cris. T'sais. Mettons ouais, un ça. Chat. Est-ce qu'il a faim? Est-ce que, tu sais? Ouais, mais là, ça, je suis pas sûr qu'ils sont capables de... Je suis pas sûr que je veux savoir ce que mon chat pense. Ouais, c'est ça. Je veux te tuer. Geisha. Une solution pour désengorger les réseaux cellulaires. Maintenant, une étudiante de l'Université de Colombie-Britannique a découvert une solution pour éviter la surcharge des réseaux cellulaires lorsque surviennent des crises comme des catastrophes naturelles et que plusieurs usagers utilisent leur téléphone mobile en même temps. Mei Hassan, qui fait son doctorat au département de génie électrique et informatique, se sert des ondes télévisées et radio pour transmettre des signaux cellulaires lorsque les systèmes sont utilisés au maximum. Le défi consistait à trouver une façon de s'assurer que les signaux cellulaires n'interféraient pas avec les premiers utilisateurs de ces canaux de transmission. Donc, l'étudiante de troisième cycle a travaillé à modifier la forme du signal cellulaire pour qu'il puisse être transmis, puis en a changé la direction afin que la transmission n'embrouille pas le canal d'origine. Plutôt que d'avoir recours à des antennes traditionnelles, elle a utilisé des antennes intelligentes installées sur les téléphones mobiles qui transmettent des signaux pouvant être dirigés dans une seule direction. Dans une étude publiée par un journal scientifique sur les communications sans fil, Mei Hassan a dit avoir été en mesure de transmettre des appels et des messages textes vers un récepteur, le tout sans interférer du tout avec les signaux radio et télé. Donc, bravo, c'est cool pour une catastrophe naturelle. Vraiment, ça pourrait peut-être sauver des vies. Ben exactement, lors des ouragans, entre autres, il va falloir appeler au secours, alors que d'habitude, le réseau serait engorgé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais cool. Belle découverte. Bravo. Une étudiante, on aime ça. Deux entreprises australiennes proposeront à leurs clients dès mars 2014 la livraison par le biais de drones, une opération limitée géographiquement mais inédite. La société Zucal, spécialisée dans la location de livres scolaires, proposera à certains de ses clients de Sydney la possibilité de se faire livrer via les drones de la start-up Flirty. La démarche, qui débutera en mars 2014 dans un rayon de 3 km autour du centre d'affaires de la ville, permettra aux acheteurs d'être livrés en un temps record de quelques minutes. Ce sont principalement les étudiants qui seront visés par cette démarche. Il suffira de passer commande d'un ou plusieurs ouvrages dans la limite de ce que le drone peut porter. Drone, c'est un avion qui est contrôlé, genre, automatiquement. Il n'y a pas de personne dedans, il n'y a pas d'humain à l'intérieur. C'est comme contrôlé électroniquement. Ouais, et ça va être contrôlé commandé par le biais d'un téléphone Android. La livraison prendra quelques minutes au lieu de 2 à 3 jours, explique Zucal, qui pourra également réduire considérablement ses coûts, faisant passer le montant d'une livraison de 8,60 $ australien à 80 cents. On avait déjà parlé dans CNX de livraison de repas, par exemple, dans un restaurant avec des petits avions téléguidés ou même des drones pour de la livraison de pizza. Je crois que c'était Domino's qui faisait ça dans un certain pays. Mmh. Donc, ça avance. Oui, quand même. Mais si ça marche bien... Pourquoi pas? Ouais. Peut-être que les jobs vont être perdus en cours de route, mais bon, ils font d'autres choses. Oui, mais c'est ça. Il y aura d'autres choses. Ils cuisineront. Exact. Ben oui, c'est ça. Ils cuisineront. Ils cuisineront. C'est pas compliqué. Ensuite de ça, Samsung Round, qui est le premier téléphone à écran incurvé. Bizarre un peu. Le fabricant Samsung vient d'officialiser son premier smartphone à écran incurvé. Le Samsung Round dispose d'un écran Super AMOLED de 5,7 pouces HD 1080p convexe. Il sera commercialisé dans un premier temps en Corée du Sud dès le 10 octobre. Et là, convexe, ça veut dire que c'est comme un U. Si on veut, mais pas autant prononcer. Là, exact. Ouais. Donc, le principal intérêt de cet écran incurvé, tu me demanderas, mais ça sert à quoi? Oui, quel est le principal intérêt de cet écran curvé? Pas mal ça. Donc, c'est le roll effect. Même posé à plat, il devient possible à tout moment d'accéder à des informations de base comme la date, l'heure, les appels manqués, le niveau de la batterie, simplement en basculant légèrement et en appuyant sur un des côtés. Donc, tu vas snapper ton téléphone un peu comme tu snapperais, une assiette, mettons, sur son côté. Ça te dirait l'heure. T'sais. Allez voir la vidéo sur assemblagehockey.com. Je m'excuse, là, mais... Mais c'est de... Si c'est la seule utilité, là, ça valait pas la peine. On a déjà un piton, tu peux juste pincer dessus. Je vais te montrer la vidéo, OK? Mettons, je recule un petit peu. OK, le téléphone a l'air d'être à plat sur une table en ce moment. Oui. C'est juste un petit peu appuyé sur le côté, un peu comme une télécommande de télévision et jamais vraiment plate, donc tu peux t'accrocher dedans, hein? Et ça te montre l'heure. À la place de peser sur un bouton « Home », l'écran s'allume. Non, je sais. Ah, mais regarde, tu vois bien, là, c'est tout si long que de... C'est exact. Même plus long. Faut que tu le laisses un petit peu s'allumer, là, parce que si tu le laisses passer, il s'allume pas. C'est aussi long de faire ça que de peser sur le bouton, là. C'est ridicule, mais c'est une avancée technologique. Un peu comme une... Tu sais, je faisais le parallèle avec une manette de TV. Moi, ça m'énerve que les manettes soient courbées. J'aimerais mieux qu'ils soient plates pour pas qu'ils bougent quand tu t'accroches dedans. Et puis en plus, c'est gros, là. C'est pareil comme le... C'est à peu près 5,7 pouces, comme t'as dit. C'est comme un Galaxy Note. C'est comme le Note 2, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est... Non, moi, je suis pas pauvre du tout. Non, moi non plus. Je trouve pas que c'est... Bravo, là, pour l'avancer, mais... Ouais. Et une autre chose que tu vas peut-être être contre, c'est que Facebook supprime l'option qui rendait votre profil introuvable sur Google. Ouais. Donc, il est désormais plus possible de rester incognito sur Facebook. L'option qui permettait aux utilisateurs d'être introuvables dans la barre de recherche du réseau social a été définitivement supprimée. Ben voyons, pourquoi? Mmh. C'est qui a accepté ça? C'est Facebook, le président directeur général de Facebook. Donc, ils ont annoncé la finalisation de cette procédure mise en place progressivement depuis un an. Le paramètre de confidentialité « Qui peut trouver votre journal en recherchant votre nom » a été progressivement disparu pour ceux qui ne l'utilisaient pas. Pour ceux qui avaient opté, dans le fond, qui avaient coché cette option-là, est encore là pour l'instant. Donc, elle est toujours affichée dans vos paramètres. Les états donc, ils l'ont conservé sur Ami jusqu'à présent et qui tentent de la modifier aujourd'hui en passant de Ami à tout le monde. La voix instantanément disparaît sans aucune possibilité de revenir en arrière. Et ceux qui utilisent toujours l'option et ils la modifient pas seront avertis par un message dans le futur qui va dire ça s'en va graduellement. Donc, éventuellement, vous allez perdre l'option. Pour justifier la disparition de ce paramètre, Facebook explique qu'il s'agissait d'une option limitée car les profils des utilisateurs étaient toujours trouvables par d'autres moyens. Le réseau social conserve toutefois le paramètre qui permet d'empêcher l'affichage de votre profil après la saisie de votre adresse email. Donc, avant, tu pouvais chercher par courriel. Donc, mettons, j'écrivais ton adresse courriel, ça allait me donner Marie-Ève Picard. Mm-hmm. Maintenant, tu ne peux plus faire ça, de toute façon. Mais c'est ça, avant, si, mettons, tu pouvais, si tu avais l'option, je tapais Marie-Ève Picard, ça me disait toutes les Marie-Ève Picard autres que toi. Tu n'apparaissais juste pas dans la recherche. Mais si tu cherchais par d'autres façons, entre autres par Google avec quelques petits twists, tu pouvais finir par trouver quand même. Ouais, mais tu sais, au moins, il fallait que tu cherches. C'est ça, tandis maintenant. Parce que là, ça va être. Tout le monde va être facilement trouvable. Il va falloir être plus vigilant sur qu'est-ce que vous partagez et les paramètres de sécurité de chaque affaire. Par exemple, tu postes une galerie photo, il va falloir que tu ailles à la main dire ouais, je veux pas, ou que tu ailles dans tes paramètres réguliers, aller dire bon, toutes mes photos sont bloquées. Mm. C'est plus compliqué, il va falloir faire plus attention. Ouais, mais en tout cas, je trouve ça niaiseux. Non, effectivement, je suis pas d'accord. C'est malheureux. Ça donnait quoi de l'enlever, non? Voir que c'était une durée limitée. Oui, l'excuse. Là, vous voyez pas, là, mais je fais des guillemets. Ben moi, je les vois puis je les trouve très sympathiques, oui, quand et très même. Véridiques. Ouais. Facebook est à l'origine de 5% des visites des sites d'actualité. Donc, en septembre 2013, la part des visites du site Facebook en tant qu'affluent d'un site web d'actualité français a atteint le score record de 5% selon AT Internet. Ce chiffre est en progression de 1,7% en un an. Donc, sur l'ensemble des visites, toutes sources confondues d'un site web d'actualité français, la part moyenne de Twitter ne s'élève quant à elle à 1,1%. C'est pas beaucoup, mais c'est stable. Plus globalement, la part des visites en provenance de Google est de 36% et celle de sites tiers est de 50%. Quand même, donc Facebook, c'est une source de nouvelles pour les gens d'information. Si on... Ouais, mais il y a aussi le fait qu'on est bombardé par plein d'affaires, par plein d'annonces aussi. Disons qu'il n'y a pas juste des actualités sur Facebook. Non, c'est ça. Mais au moins, tu as tes nouvelles mélangées avec des photos de bébés. Ouais. Et des photos de chats, des vidéos de chats. Oui. Et des publicités. BuzzFeed s'apprête à lancer une version française. Le site américain à succès qui mélange l'actualité, l'information People et Insolite a annoncé le lancement dans les prochaines semaines des versions en français, espagnol et brésilienne de son site qui seront traduites par des non-professionnels. Et c'est la chose intéressante, c'est pour ça que j'en parle en fait, c'est que le site va être premièrement unique pour les trois langues. Donc chacun va avoir son... en fait, le site unique pour les trois langues, ça veut dire un site pour les trois langues, je pense. Oui. Je comprends rien. Bon. Donc ça va s'appuyer sur les traductions d'articles en anglais effectués par les utilisateurs du site Duolingo.com, une plateforme gratuite d'enseignement de langues étrangères et une équipe d'éditeurs qui recrutera BuzzFeed. Donc c'est ce qu'ils expliquent dans un communiqué. La version en anglais attire 80 millions de visiteurs uniques mensuels et ça va débuter le 4 novembre en français après avoir été lancé le 18 octobre en portugais. Et le 21 octobre en espagnol. Les francophones, les hispanophones et les lusophones apprennent l'anglais via Duolingo. Ils vont traduire l'article de leur meilleure capacité possible. Et les meilleures traductions vont ensuite être combinées ensemble via un algorithme breveté. Et ils vont reconstituer l'article traduit par différentes personnes. Les meilleurs bouts traduits par chaque personne, genre. C'est vraiment spécial. Ouais. À côté d'articles d'actualité, BuzzFeed donne la part belle aux informations insolites et People. Le site encourage le partage de son contenu via les réseaux sociaux, entre autres. C'est eux qui savent dénicher le plus présentement les affaires qui vont devenir virales. Et en fait, les choses vont devenir virales grâce à BuzzFeed. Ouais. Donc, les deux côtés. Oh. Mm-hmm. Une faille a été découverte dans Windows 8.1 et la personne qui l'a découvert va gagner 100 000 $ Juste ça? Yes. Microsoft vient de verser une prime de 100 000 $ à un expert australien ayant découvert une nouvelle technique d'exploitation dans Windows 8.1. Oui. La firme de Redmond va pouvoir développer de nouvelles protections grâce à cette découverte. En juin dernier, Microsoft avait lancé un défi. Il avait lancé de nouveaux programmes de recherche de failles au sein de Windows 8.1, c'est ça, pour protéger au mieux son système d'exploitation. Pour la découverte d'une nouvelle vulnérabilité au sein de l'OS, un pactole touché par un expert en sécurité australien, James Forshaw, ce dernier a mis le doigt sur un nouveau moyen moyen de contourner les protections de Windows 8.1, ouvrant potentiellement la porte à l'exploitation du système par des pirates. Grâce aux données découvertes par James Forshaw, Microsoft va pouvoir sécuriser davantage son système avant l'arrivée concrète de Windows 8.1 sur le marché. Naturellement, la firme n'a pas souhaité donner plus de détails sur l'affaire en question qui existe depuis la version preview de l'OS. Avec cette prime de 100 $, le chasseur de bugs passe en tête des experts les plus récompensés par Microsoft en 2013. James Forshaw n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà touché avant ça près de 10 $ pour avoir décelé des failles dans la preview de Internet Explorer 11. Donc, le gars est fort pour trouver des bugs. Oui, effectivement. Ouais, mais il doit faire rien que ça de sa vie. À peu près. Et certains diraient que c'est un produit Microsoft, donc les bugs doivent être assez nombreux. C'est une blague. Une chance que David Ferron n'est pas là. Une chance quand même, ne parlons pas encore de lui. Et finissons avec une nouvelle qui m'attriste. Oh non! Panasonic va arrêter de produire des écrans plasma en 2014. Hein? Notre télé est une plasma Panasonic, donc ça me rend triste. Why? Après avoir indiqué en début d'année son intention de quitter le marché des téléviseurs plasma, Panasonic aurait choisi le mois de mars pour mettre ses plans à exécution. Panasonic aurait décidé d'arrêter la production d'écrans plasma en avance d'un an sur ses plans, en fermant son usine d'Amagasaki en mars 2014 au lieu de mars 2015. La firme souhaiterait mettre le lieu en vente. En avril dernier, Panasonic avait confirmé que son département de recherche et de développement lié à la technologie plasma était d'ores et déjà à l'arrêt, mais avait assuré que la production durerait au moins jusqu'en fin 2014. Néanmoins, le marché n'étant plus favorable à cette technologie qui plombe les résultats financiers de l'entreprise, l'échéance aurait été raccourcie. Ils perdent de l'argent sur la fabrication parce qu'ils n'en vendent pas assez. Panasonic n'a pas souhaité commenter cette rumeur. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur, mais ça a l'air assez véridique. C'est triste parce que le plasma, ça fait des belles TV. Bon. Ouais. Moi, je trouve ça joli. J'aime l'image, j'aime les noirs là-dessus, j'aime la profondeur des couleurs. Je connais absolument rien en TV, puis je dis des affaires que j'ai entendues de d'autres, mais j'aime ce que ça donne comme résultat, plus que le LCD. Ah ouais. Mais bon. Eh bien, grosse nouvelle. C'est triste. On fera le tour du web dans quelques minutes, mais avant ça, on écoute encore un peu de musique chiptune et je te fais entendre cette fois-ci l'artiste Blix One, BLX1. Ça a l'air bizarre, dit comme ça. Et le nom de la pièce a l'air encore plus bizarre. Voici Mushies. Mushies. Mushies. La mort, là. Des. You. Non. Non. Si vous êtes au Mathieu Planchot. Vous êtes au mouchicho. Ah, pas des sushis, des mouchis. We'll be right back. La pièce Mushies par Blix One. Au Mathieu Planchot. C'est ma préférée, je crois, de cette semaine. Mais, tu sais, j'ai de la misère. Hein? Je dois mettre de côté une dizaine de chansons de chiptune par semaine, puis j'en joue quatre. T'sais. Ouais, c'est toutes tes préférées. Ben, c'est ça, je les aime bien, tu sais. Mais, Seigneur. Même, je tripe là-dessus, moi. Maintenant, on était dans CNX tantôt, au Mathieu Planchot. Maintenant, voici la portion Oh, wow, what a web. Donc c'est Wow at Web, notre petit survol d'Internet de cette semaine ou depuis les 7 derniers jours. Commençons par... c'est comme un genre de campeur. Tu sais, un campeur, c'est un véhicule dans lequel tu peux te coucher, habiter, ouais, etc. Donc c'est un camper bien typique, sauf pour le fait qu'ils ont installé un cinéma à l'intérieur. Avec wow, un grand écran. Ah, Wow at Web, en effet. Uh-huh. En plus de chaises vraiment très confortables, un peu comme dans un cinéma. Et donc, c'était créé par un manufacturier, une compagnie de campeurs qui s'appelle Death Lefts. Donc, c'est le Mini Movie Campy qui a été montré au Dusseldorf Caravan Salon. Donc, ça mesure 12,2 pieds de long. Et puis, c'est équipé d'une grosse télévision 3D, système de son surround et 7 sièges de cinéma avec dans un petit kiosque de liqueur réfrigéré. Et une machine à popcorn. Oui, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une machine à popcorn? Est-ce qu'il y a une machine à beurre? À beurre? Ouais. Et est-ce que les grains de popcorn sont tous pétés? Parce que moi, ça, il n'y a rien qui m'agresse plus dans un plat de popcorn que de pas péter. Ouais, pas très bon, hein? Pas très bon dans les dents, ça. Mm-mm. Ensuite, continuons avec une affaire pour... dans le fond, un petit peu comme les lunettes de Google Glass. Tu te rappelles Google Glass avec un petit écran dans le coin. Par contre, ici, c'est plus... Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? C'est comme la qualité d'image est incroyable. Ça s'appelle les Avegant. Donc, c'est la compagnie qui fabrique ça. C'est des Virtual Retinal Display. Un peu comme les Retina Display des Mac, mais vraiment pour vos yeux. Donc, ça utilise 2 millions de micro-miroirs pour projeter de la lumière directement sur les rétines de la personne qui les porte. Donc, c'est vraiment des lunettes que tu portes sur ta tête. Il y a une critique vidéo de CNET en ce moment sur assemblagerequis.com. Donc, Google avait testé cette technologie-là pour ses lunettes Google Glass. Apparemment, par contre, il faut que ce soit précisément aligné à la face et aux yeux de la personne qui les porte parce que c'est envoyé directement sur la rétine. Et donc, c'est fait pour afficher quelque chose. Donc, tu portes ces lunettes-là et tu vois un écran devant toi, mais c'est projeté sur tes rétines. Donc, c'est vraiment comme ultra réaliste, genre. Ça a l'air drôle, dit de même. Hein? Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est qu'à la place, mettons Google Glass, c'est comme un écran qui apparaît par-dessus ta vision. Ouais. Donc, c'est comme voir une télé devant toi. Alors que là, c'est vu que c'est projeté dans tes rétines. C'est ce que tu vois exactement. C'est ça. C'est vraiment cool comme idée. Donc, c'est des affichages, des écrans montés sur votre face. Et on nous dit que, selon CNET, les Virtual Reality Display devraient être disponibles dans le premier quart de 2014. Évidemment, ça va être super cher. Allez voir la vidéo pour mieux comprendre ce que je dis, parce que c'est difficile à expliquer oralement, mais c'est quand même assez fascinant. Ensuite, il y a un nouveau service qui s'appelle Mumify qui vous permet de garder des pages web pour références futures, mais de façon permanente. Tu sais, des fois, mettre un site web dans tes favoris, c'est quelque chose. Tu peux enregistrer la page web, faire un PDF avec. Mm-hmm. Tu peux la faire imprimer. Bon. Mais si tu veux la garder pour toujours et telle qu'elle, donc Mumify, c'est ce que ça vous permet de faire. Un service qui vous emmagasine vos copies de pages web. Ça va coûter entre 10 et 15 $ par mois pour jusqu'à 50 pages momifiées. Ils offrent le service gratuitement pour les 10 premières pages que vous avez à garder. Et tout ce que vous allez faire, c'est rentrer l'adresse du site que vous voulez garder dans le système de Mumify et ça va vous donner un petit lien raccourci qui va vous diriger vers la page ou vers une version cachée, donc en cache, là, pas cachée comme là on la trouve pas. Donc, au cas où la page déménageait, changeait de nom, n'existerait plus, vous allez pouvoir y retourner pareil. Cool. Avec l'adresse de Mumify. Ah, c'est pas pire. C'est un bon service, mais j'espère qu'il va y avoir une version un petit peu plus gratuite de ça. Et là, les gens vont me dire archive.org, ouais, mais la plupart des sites qui ont du flash ou des affaires comme ça, il n'y a rien qui marche là-dedans. Donc, les liens pointent pas vers les bonnes places par moment. Ça, donc, c'est poche. Moi, j'ai ça. Mais les sites comme, mettons, C'est Fou, on peut retourner en arrière assez loin pour voir ça. Ouais. C'est quand même cool. Ensuite de ça, tu te rappelles peut-être, on a déjà parlé de ça au Japon, à Taipei, entre autres, il y avait un restaurant qui s'appelait Modern Toilet et le Magic Restroom Café. C'est celui qui vient d'ouvrir à Los Angeles. Donc bref, au Japon, il y avait un restaurant où tu peux t'asseoir sur une toilette et manger manger des sundaes dans une toilette, c'est une petite toilette minuscule, le bol. Ils viennent de sortir une version américaine de ça. C'est le Magic Restroom Café qui vient d'ouvrir à Los Angeles County. OK. C'est la même expérience qu'au Japon. C'est vraiment inspiré de ça et ça a l'air vraiment dégueulasse. Donc, les gens s'assoient sur une toilette qui fonctionne pas, évidemment. C'est pas fait pour ça, là. Pardon. Vous avez mangé un paquet de excusez-moi. Ça va très bien. Donc, de plats qui sont inspirés par la défécation. Donc, vous allez pouvoir manger... c'est le Black Poop, qui est un sundae au chocolat. Ouais. Smells Like Poop, qui est du porc braisé, ça, sur du riz. T'as le Constipation. Et le Bloody Number 2, qui est un sundae vanille fraise, servi dans des petites toilettes de céramique. Oh, c'est vraiment dégueu. C'est fantastique. C'est à L.A., ça vous tente. C'est déjà plus proche que le Japon. Non, on n'ira pas là. Non. Ensuite, fullscreenmario.com et ma découverte web que j'espère que vous n'avez pas vu passer. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous en parle juste là. Fullscreen Mario, qui est un site web créé par Josh Goldberg, qui permet de jouer à la version originale de Super Mario Brothers en HTML5. Donc, c'est vraiment le jeu au complet qui se trouve là assez facilement. Je vais essayer de l'ouvrir pendant ce temps-là. Voilà, ici. Sinon, ça nous dit que vous pouvez choisir un tableau spécifique, donc vous n'êtes pas obligé de jouer au tableau dans l'ordre. Ça nous dit aussi qu'il y a un générateur de niveau de tableau au hasard. Si vous voulez vraiment avoir de la difficulté à jouer, là, prenez les tableaux générés au hasard. Je pense que vous allez avoir de la difficulté. Je sais pas si je peux... Oui, ah tiens, voilà. Donc, on se sert des flèches de gauche et de droite. Shift pour tirer les boules de feu. Et... ça, on l'entend. Oui. Et quand même, OK. Là, je suis en train de contrôler la console en même temps que mon bonhomme. La vitesse est bonne. T'as grandi. Et là, je prends... Ouais, attention. Là, j'ai grandi. C'est très, très fort. Évidemment, à la radio, c'est un petit peu long à écouter. Ouais. Mais quand même, c'est très fidèle. Et les sauts sont vraiment bien timés. Je sais pas s'il y a-tu la vie. S'il y a la vie, je vais arrêter de vous en parler. Attention. Parce que c'est quand même important, la vie. Ben oui. Évidemment, la vie est là. Yay! Génial. One up. C'est fullscreenmario.com. Je vous conseille ça. Allez-y maintenant ou à la fin de l'émission. Quand même. Ouais, c'est ça. Finissez de nous écouter, là, vous irez après. Quoi qu'après l'émission, c'est les panneaux assez fous. Fait que ça va pas partir non plus. Ben là, là, Mathieu Plante, là. J'en demande pas mal. Fullscreenmario.com. Ensuite, il y a une nouvelle vidéo qui montre, tu te rappelles, le Stratos, l'affaire avec Felix Baumgartner qui était sauté en haut de la stratosphère en parachute, truc en chute libre. Ah, oui, oui, oui. Bon. Hey. Donc, ça fait à peu près un an, c'était le 14 octobre 2012 que ça s'est passé, à 128 000 pieds dans les airs, c'est un record du monde. Mm-hmm. Et bien, une des choses les plus cool, c'est qu'il y avait des caméras partout pour capturer ce record-là. Et il y avait des caméras attachées à un ballon et à Baumgartner lui-même. Et la plupart de ces vidéos-là n'avaient pas été partagées jusqu'à maintenant. Donc, la vidéo des caméras attachées au ballon et à Baumgartner ont été mises en ligne. Ils ont utilisé ça pour créer un documentaire qui commémore le saut. Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est Red Bull, évidemment, qui offre cette vidéo-là. Cool! Les voitures volantes, c'est ce qu'on souhaite toujours depuis extrêmement longtemps. Ben oui. Où sont-elles? Ouais, où sont-elles? On arrive en 2014, comment? Comment ça qu'on n'a pas encore? Donc, Terrafugia espère vendre son modèle Transition. C'est une voiture hybride. Dans le fond, c'est un hybride entre voiture et avion qui va coûter environ 280 000 $ en 2015. Pas pire. La compagnie a aussi annoncé un concept pour la prochaine génération de voitures volantes, la TFX, qui sera capable de décoller verticalement et d'atterrir. Donc, quand tu ne pourras plus supporter le trafic, tu pourras te lever dans les airs et partir. Donc, allez voir la vidéo. Encore une fois, assemblagerequis.com. On nous dit 2015. C'est vraiment pas grand public en 2015, mais achetable et... achetable même, là. Achetable pour les riches, là. Ouais, c'est ça. Quelques personnes chanceuses auront ça peut-être dans leur cours. Je sais pas si ça va être légal, par contre, d'utiliser ça sur les routes. Ah, mais t'imagines, là, mettons, là. C'est toi, là, t'es en avant, mettons, de la personne, là. Puis là, tu regardes dans ton rétroviseur, là. Tu la vois que la voiture, elle se lève, puis qu'elle vole devant toi. Puis là, il dit « Salut, bande de cœur! » Ah, que j'aimerais donc savoir ça. Ça ferait une belle petite blague de réussir à faire une vidéo comme ça virale. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas encore. Donc, Ben, c'est sûr que si vraiment là, ça marche pas, que ça existe, non? Les gens croiront pas. Le monde, c'est sûr qu'ils vont l'essayer. Et finalement, les chercheurs chez Disney ont créé quelque chose d'assez intéressant et vraiment pas cher. En fait, c'est une génératrice d'électricité, mais qui utilise qui est à l'intérieur du papier. Okay? Donc, ça a l'air difficile à comprendre, mais c'est ce que ça pourrait faire serait une affiche qui aurait du texte qui bougerait à l'intérieur. Ça pourrait être des affichages de livres électroniques qui utiliseraient ça aussi. Donc, la génératrice utilise des feuilles de téflon conducteur pour créer une charge électrique alors que les utilisateurs frottent, touchent ou tapent sur la surface. Donc, les circuits sont ensuite capables de tirer profit de la charge électrique et d'utiliser pour créer, dans le fond, de l'électricité pour de petits appareils électroniques. Donc, on le montre dans la vidéo ce que ça pourrait donner. Les chercheurs disent que cette génératrice-là est extrêmement pas chère, vraiment pas chère, et très pratique donc à être produite. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué à produire. Et ces génératrices-là pourraient ajouter de l'interactivité à peu près à n'importe quoi. Disney voit du potentiel là-dedans. Par exemple, on pourrait utiliser ça dans les livres, les journaux, les magazines, les affiches et plusieurs autres endroits. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de ça, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Et je crois que ça va être à peu près tout pour le tour du web, What Web. C'est pas pire. Attends, même. Pas mal de bonnes choses là-dedans. Cool. Oui. Tantôt, il nous reste encore Television, ainsi que C'est un fait. Mm-hmm. Et à toute fin, on aura bien évidemment la geekette en devenir. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une autre petite chanson de... Non, est-ce qu'on va... On va aller un pub avant. On va aller en pub. Suivons l'ordre tel qu'il est prescrit. Puis après ça, on revient avec plus de Mathieu Plante Show, MPS, au 89 FM. C'est fou. Bouh. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Bonjour, Olivier, voilà. Le Mathieu Plancho! Oh, enfin, ça a été long, hein? Ah, tellement long. Le Mathieu Plancho, tu veux réentendre la musique de retour de pause? Ben oui, c'est tellement bon. C'est tellement la meilleure chanson ever. Ah, on la repart-tu? OK, go! On la repart! C'est pour ça qu'on chante pas à la radio. Ouais, c'est ça. Hey, tu veux dire que j'ai pas de belle voix? Je veux dire que notre duo était pas de la mort. Ah, c'est, OK. T'sais, juste pour te dire, je préférais un duo avec Claude Dubois. Et c'est Television, enfin de la pertinence. Ben oui. En quelque part là-dedans, on met ses plans de show. Donc, Television, la chronique télévision. Bien sûr. Oui. Et commençons avec la pauvre Isabelle Rasticot. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Isarac. Isarac? Isarac. Son émission est retirée avant même de commencer. OK. Ça commence très mal pour elle. Elle qui animait, ça finit bien la semaine. Elle, ça finit bien son contrat. La diffusion de l'émission La Ligne du Temps, produite par la chaîne Prise 2, a été annulée pour des raisons budgétaires, a-t-on appris. L'émission animée par Isabelle Rasticot devait être diffusée cet automne. Il s'agissait de la première production originale de Prise 2. Et je cite, « Après le visionnement des pilotes, la direction de la chaîne a réalisé qu'il faudrait un investissement supplémentaire pour pouvoir livrer un projet qui réponde aux attentes. » Alors, on s'est demandé, et là, c'est une citation dans la citation, oui. Est-ce qu'on peut se le permettre? Fin de la citation. C'est Véronique Mercier, directrice des communications du groupe TVA, qui a dit ça. Celle qui devait animer donc la nouvelle production, Isabelle Rasticot, s'est montrée plutôt compréhensive à l'égard de cette décision. C'est sûr, elle est encore à contrat avec TVA. Elle peut pas dire de mal. Est-ce que c'est pas parce qu'elle a perdu son émission qu'elle est plus avec TVA? Là? Non, c'est ça. Donc, évidemment, elle a dit, je cite, « Je trouve ça sage qu'on ait choisi de tirer la plug plutôt que de mettre en onde quelque chose qui n'était pas à la hauteur. » Ça s'appelle du spin. Un disco de loser. Oh oui. Oh, mais je suis content. C'est ça que je voulais, en fait. Je préférais qu'il l'enlève. Moi, ça m'adonne mieux. Fait c'est ça. Merci, TVA. Good job. Yeah. Je trouve ça vraiment dommage. La première émission originale de Prise 2, qui n'est pas une reprise de genre une émission qui a coûté de l'argent il y a 20 ans et qui ne coûte plus rien à rediffuser. Ouais. Genre Annie et ses hommes, Kilomètre Heure, Radio Enfer. Bah, on va pouvoir continuer à aller jouer à tic-tac-toe, là. Au tic-tac-toe, exactement. Bravo. Oui, c'est pas mal tout ce qu'elle peut faire qui a du succès. Oh. Est-ce que ça a du succès? Pas vraiment. Je sais pas, mais c'est plate en tabarouette. Je m'excuse. Mais t'as raison. Mm. Maintenant, parlons des bobos. Elle, par contre, dans l'autre axe, c'est une émission divertissante à succès et à encourager qui va malheureusement se terminer. Oh. Donc, Télé-Québec confirme que la série Les Bobos n'aura pas de troisième saison et prendra fin à la période des fêtes. Le diffuseur explique que cette décision a été prise en raison de l'horaire chargé des comédiens. On sait que Marc Labrèche part en tournée avec la production Les Aiguilles et l'Opium de Robert Lepage pour les deux prochaines années. La série n'était pas en difficulté. Et étrangement, c'est une émission de Télé-Québec qui a du succès. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, en moyenne, 176 000 téléspectateurs la suivaient le vendredi à 19h30, comparativement à 183 000 à l'automne 2012 et 135 000 à l'hiver dernier. Donc, vraiment, ça a progressé et ensuite redescendu un petit peu, mais quand, c'est stable, mettons. Ouais, c'est ça. L'émission a reçu cette année le prix Gémeaux de la meilleure série humoristique et l'Olivier de la meilleure comédie à la télé. C'est triste. On espère revoir Marc Labrèche. Et on sait que Marc Labrèche et la fille, là. Hein? Anne Dorval! Ah! Aiment beaucoup travailler ensemble. On va les voir ensemble, c'est ça. J'espère bien. Peut-être pas dans les bobos, mais dans d'autres choses. Il y a une toune qui s'appelle Underval, là. Oui, c'est à cause Underval, mais c'est pas du chiptune, fait qu'on peut pas jouer. Ouais, je sais. On a un quota de 100% chiptune ici à respecter. Cette valeur. C'est le CRTC qui nous impose. Ben oui, c'est ça. Fais-moi croire. C'est ça. Bonne nouvelle pour Steve Carell et bonne nouvelle pour nous. Oui, parce que ça va être drôle. Steve Carell, vous connaissez Steve Carell de l'émission The Office The US. Mm-hmm. Et il va amener un nouveau jeu télévisé, Slideshow, aux États-Unis. Mm. Il va être le producteur exécutif. Donc, Slideshow est un jeu télévisé où deux équipes d'humoristes et de vedettes se battent les uns contre les autres en participant à des défis qui consistent dans le fond, c'est des chansons, de la danse, des sketchs. Par contre, c'est que Slideshow, tous les défis sont performés sur un plateau qui est à un angle et croche. Donc, par exemple, ils vont devoir, je sais pas, verser du liquide dans une coupe, mais la pièce, tu la vois droite, mais tout est croche dans la vraie vie. Donc, le public en studio voit ça croche, mais nous, à la télé, on le voit droit. Ça fait quelque chose de vraiment très, très drôle. Et Steve Carell dit, la comédie, c'est subjectif, mais si vous trouvez pas Slideshow drôle et extrêmement divertissant, je veux pas être votre ami. Oh. Allez voir l'extrait de la version australienne sur assemblagejockey.com. OK, c'est pas copié, mais c'est inspiré. Exact. Mais il y a déjà eu des versions à succès en France, en Australie et au Danemark jusqu'à maintenant. Et c'est la compagnie de Steve Carell, Shine America, les mêmes qui présentent The Biggest Loser, qui espèrent donc avoir le même succès aux États-Unis. Je vais surveiller ça avec vous. Mais une chose que tu as parlé du concept du plancher croche, Slideshow. Slideshow. Parce que je trouve que ça ressemblait étrangement un peu aussi à l'émission de Jane Lynch. Deux équipes qui se battent une contre l'autre avec des vedettes, là. A Hollywood Game Night. Yeah. Voilà. Et ça me fait penser un petit peu dans son concept. En tout cas, dans les extraits, j'ai vu un petit peu à Dieu merci. Oh! Un peu, mais pas plus qu'il faut, mais quand même. Dans la façon de préparer les scènes. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Ça va être bon. Slideshow. Ensuite, Amy Poehler prépare une nouvelle comédie pour NBC. L'actrice Amy Poehler s'inspire d'une histoire vécue par son frère Greg Poehler pour Welcome in Sweden, une série diffusée à la fois en Suède et aux États-Unis. La comédie va s'intéresser à Bruce, un comptable new-yorkais qui part s'installer à Stockholm après qu'il soit tombé amoureux d'une Suédoise. Greg Poehler fera ses débuts d'acteur dans Welcome in Sweden. Oui, c'est voulu que le titre n'ait pas de sens. Welcome in Sweden, ça se dit pas. Projet qui mêlera comédien américain et suédois. Sa sœur Amy effectuera à l'occasion des caméos, un peu comme Will Ferrell, Gene Simmons de Kiss et Patrick Duffy. Les Scandinaves Josephine Bordebusch, Lena Holin et Ileana Douglas sont également attendus au sein de la distribution. Tournée à Stockholm, New York et Los Angeles, la comédie a déjà été vendue à la télévision suédoise à la chaîne TV4 en mai dernier. Donc Amy Poehler, qui est une ancienne de Saturday Night Live, est l'une des héroïnes de la série Parks and Recreation, diffusée depuis 2009 sur NBC, donc elle reste dans la famille. Bon! Mm-hmm. Maintenant, une série qui va être adaptée d'une vieille série des années folles, la série Remington Steele. Rien à voir avec les rasoirs Remington. Tu connais pas? Non. Ah ben non, c'était avec le gars qui jouait dans James Bond. Pierce Brosnan. OK. C'est ce qui l'a rendu très, très célèbre. Donc, la série dramatique romantico-policière Remington Steele, qui a lancé la carrière de Pierce Brosnan, reviendra à la télévision américaine plus de 30 ans après son lancement dans les années 80. De 82 à 87, NBC a diffusé Remington Steele, série qui suivait les enquêtes de la détective privée Laura Holt et d'un voleur qui se faisait appeler Remington Steele. Stephanie Zimbalist et Pierce Brosnan incarnaient ces deux héros. Donc, le réseau compte remettre au goût du jour sa série policière sous la forme d'une comédie. L'histoire se centrera désormais sur Olivia Holt, qui décide de rouvrir l'agence de détective privée de sa mère. Anciens scénaristes de Spin City, Jay Sherrick et David Ron se chargeront de la nouvelle version, tandis que Ruben Fleischer de Bienvenue à Zombieland et Gangster Squad mettra en scène l'épisode pilote. Ça pourrait être cool, encore un concept déjà vu, évidemment. Une série à succès quand même. Les ventes de DVD vont plutôt bien pour celle-là. Ça pourrait être bon. Ça va être à voir. Mais tout pourrait être bon. Ça dépend de comment c'est ça. Exact. Il pourrait y avoir un nouveau Star Trek à la télé. CBS ressusciterait le mythe au petit écran à travers une série façonnée par le scénariste des deux dernières moutures au cinéma. Oh. Donc, on repart pas à zéro. Sûrement pas avec la même distribution. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça va-tu être avec les mêmes ou... D'après moi, ils sont chers pas mal pour la télé, eux autres. Absente de la télévision depuis 2005, la franchise Star Trek serait sur le point de revenir à ses origines, selon Joe Michalczuk. Le journaliste de Sky News est parvenu à dénicher l'information en s'entretenant avec Bob Orci, fidèle collaborateur de J.J. Abrams, le gars qui a travaillé sur les films de Star Trek récents. L'homme a notamment participé au scénario de Star Trek et de sa suite Star Trek Into Darkness, film qui revenait aux origines des célèbres personnages Kirk et Spock. Depuis son arrivée à la télévision en 66, sur la chaîne NBC, Star Trek a connu quatre autres moutures, donc la nouvelle génération, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, dont la diffusion a été arrêtée en 2005. On va suivre ça, bien sûr. Maintenant, deux vedettes qui s'en viennent à la télé, des grosses vedettes du cinéma. On commence avec la belle Meg Ryan. Ouh, fait longtemps qu'on l'a pas vue. L'héroïne de Quand Harry rencontre Sally tiendra pour la première fois le haut de l'affiche d'une série télévisée. Dans une comédie destinée à NBC, Meg Ryan incarnera une mère célibataire dévouée et radieuse qui décide de retourner travailler. Elle retrouvera un poste dans une ancienne maison d'édition new-yorkaise avec comme patronne son ancienne stagiaire trentenaire et névrosée. ça dit névrotique, mais il me semble que c'est plus névrosée. Névrosée, ouais. Son personnage qui déteste les conflits se compliquera la vie en tentant de contenter tout son entourage, ses enfants adolescents, son ex-mari, sa belle-mère et sa patronne Brenda. on se rappelle dans les dernières années que Meg Ryan a quand même fait un petit peu de télé. Elle a participé à la série en français qu'on appelle Cache ta joie, Curb Your Enthusiasm, qui en France s'appelle Larry et son nombril. Et Web Thérapie avec Lisa Kudrow. C'est bien ça? Oui, je crois. Oui. Donc, la comédie qu'elle produira également pour NBC sera écrite par Mark Lawrence, le scénariste spécialiste des comédies romantiques. Ouais, c'est vrai, on l'entend souvent, lui. Et ça devrait être bon. Devrait être popé. Ouais. J'ai de hauts espoirs. Susan Sarandon s'en vient aussi à la télé. Ah oui? L'actrice va donner la réplique à sa fille Eva Amory, qu'on adore et très, très drôle. Oh. Dans ce projet commandé par, encore une fois, NBC, Growing Ivy placera Susan Sarandon dans la peau de Frankie, mère excentrique et désinvolte d'Ivy. Cette dernière lui demandera d'emménager chez elle afin de l'aider dans ses relations amoureuses. Ivy Davis, jeune femme qui se consacre pleinement à sa carrière, sera campée par Eva Amory, qui est la fille de Susan Sarandon et du réalisateur américain Franco Amory. C'est elle qui est à l'origine de cette comédie dont elle signera le scénario en compagnie de l'acteur Will McCormick, qu'on connaît de Will and Grace. Pour vrai, c'est cool quand même d'avoir ce nom-là. Susan Sarandon et Eva Amory sont des habitués des séries télévisées. La première, Susan, est déjà apparue dans The Big C, 30 Rock et Friends, et elle va être prochainement dans la série Mike and Molly. Et la seconde a déjà joué dans Californication, How I Met Your Mother, Dr. House et New Girl. Cool. Ce n'est pas rien du tout. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Allons-y avec, je sais pas, j'ai envie de sauter par-dessus celui-là. Je vais vous laisser aller le lire sur assemblagerequis.com. La télé est une source majeure d'informations pour les Américains. La télévision reste une source majeure d'informations malgré l'avènement d'Internet et la consommation plus croissante des médias en ligne, pointe une étude. Celui-là m'intéresse, c'est en anglais, je ne vais pas vous le traduire au complet, mais le gouvernement canadien va bientôt demander, va forcer en fait les fournisseurs de télévision câblés et satellites de rendre plus facile aux consommateurs la possibilité de choisir des chaînes à la pièce. Oh! Et non pas le bundle. Ouais, exact. Donc, ils veulent unbundler les chaînes de télévision et permettre aux Canadiens de choisir et payer pour les chaînes qu'ils veulent. Wow! Ça, c'est... Ça devrait pas, mais ça, c'est un avancé, là. En fait, c'est ça. Ça aurait dû être toujours comme ça. Ben oui. Mais bon. Certaines compagnies de câbles et de satellites canadiens ont déjà commencé à offrir des prix à la carte. Donc, certains analystes disent que ça va commencer aussi dans les plus gros marchés américains. Ça pourrait commencer à être plus populaire. Donc, on espère qu'un jour, on va pouvoir choisir notre chaîne préférée toute seule. J'espère bien. 20 chaînes, le prix de 20 chaînes pour une chaîne, là, c'est... Ouais, c'est ça. Ça revient cher un peu, hein. Ouais. Et pour les codes d'écoute, allons-y avec les classiques, là, 10 à 6. Les parents, Occupation Double en Espagne, Les Pêcheurs, Yamaska, on connaît la chanson. En cinquième, c'est Vlog à TVA. En quatrième, Tout le monde en parle. Troisième, Les Enfants de la télé. Deuxième, Unité 9 et en première, Le Banquier à TVA. Et au Canada anglais, 10e à 6e, Two and a Half Men, NCIS Los Angeles, Grey's Anatomy, Criminal Minds, The Amazing Race. En cinquième, c'est Survivor. En quatrième, une émission spéciale HNIC Prime Special sur CBC. En troisième, c'est NCIS. En deuxième, encore une fois, un spécial HNIC. Et en première place, c'est The Big Bang Theory. Ouh. Voilà, pour les codes d'écoute qui intéressent de moins en moins ma personne. Putain, ouais, je commence à trouver ça plate pour faire les codes d'écoute. Mais c'est parce que c'est les mêmes. C'est souvent les mêmes. Ça change pas bien. OK. La prochaine émission, là, tu me les donneras, puis c'est moi qui vais les faire. OK, cool. On va s'essayer comme ça. Ouais. Dans quelques minutes, on a C'est un Fait Edition et ensuite Geekette en devenir. Mais pour l'instant, une dernière petite chanson de chiptune pour aujourd'hui. On écoute, c'est l'artiste Dire Hit. Voici There's More Than One of Everything Unleashed. C'était comme du Mario Bros. Oui, Game Boy. MPS, le Mathieu Planchot, assez fou. Dire Hit et There's More Than One of Everything Unleashed. Une autre chanson, style Game Boy, qui est probablement mon style de chiptune préféré. C'est vraiment très, très bien pour moi. Continuons avec C'est un Fait Tech Edition. C'est un Fait Tech Edition, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais par rapport aux technologies, bien sûr. Commençons-nous? Par le début? Oui, potentiellement. Commençons par hier, mardi 15 octobre. C'était pas un mardi, mais c'était en 1878 où la compagnie Edison Electric Light Company a commencé ses opérations et ils allaient plus tard devenir un petit peu plus général dans le sens General Electric. C'est devenu General Electric plus tard, donc ça a commencé en 1878. En 1884, un 14 octobre maintenant, l'inventeur américain George Eastman reçoit un brevet pour son nouveau paper strip photographic film, donc du film photo en bande de papier. Ça allait régner pendant 100 ans jusqu'à ce que le numérique vole la place, donc c'est le papier photo, comme on connaît, papier photo quand même. Ben oui, hein, du papier photo. Ouais. Toujours le 14 octobre en 1977, l'Atari 2600 sort en Amérique du Nord. C'est la console de jeux vidéo très populaire, Atari 2600, qui est encore jouée de nos jours par les gens qui aiment les jeux rétro. 13 octobre 1983, Bob Barnett, président de chez Ameritech Mobile Communications, a appelé le neveu de Alexander Graham Bell à partir de du Chicago Soldier Field en utilisant ce qu'on appelle le Motorola Dynatech Handset. C'était le lancement du premier réseau téléphonique cellulaire aux États-Unis. En 1983, le premier réseau cellulaire. Quand même, c'est loin du 4G. En 2001, une ère s'est terminée. C'était pour la corporation Polaroid, qui a été tuée par, évidemment, les photos à développement une heure et les lancements des caméras numériques. Et Bankone a acheté la plupart des choses qui appartenaient à la compagnie. Et ils ont plus tard relancé la compagnie Polaroid. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Finalement, ils ont arrêté de faire des caméras et des films récemment. Oh. En 2005... Après avoir assuré que personne ne voulait regarder des vidéos sur leur iPod, Steve Jobs a changé complètement d'avis et Apple a commencé à rendre les vidéos disponibles sur iTunes. ABC et Disney étaient le seul réseau de télévision disponible à ce moment-là, donc on pouvait seulement voir les Desperate Housewives et Lost. Yay! Quand même cool. En 1950, le 11 octobre, le système de couleurs mécaniques de chez CBS était le premier à être vendu pour diffusion, à recevoir une licence de diffusion par le FCC, donc la télévision couleur, qui n'a pas été populaire, qui n'a pas été dans le fond mainstream avant la fin des années 60, a quand même commencé en 1950, le 11 octobre, le système de couleurs mécaniques de CBS. Je connais pas ces termes techniques-là, mais quand même. 10 octobre 1964, les cérémonies d'ouverture des Olympiques d'été à Tokyo. C'est devenu la première diffusion des Olympiques en direct par un satellite de communication géostationnaire. Oh! C'est en 1964. Ouais, quand même, hein? Quand même. Et finalement, le 9 octobre 1876, la première conversation téléphonique à deux sens, donc dans le fond, à aller et retour, a eu lieu via des fils extérieurs entre Alexander Graham Bell et son assistant Watson. Ils utilisaient une ligne de télégraphe de 2 milles de long qui liait Boston à East Cambridge. Donc, tantôt, on a parlé de... C'était de quoi qu'on a parlé tantôt? En tout cas, bref, c'est deux sortes de technologies différentes, mais qui s'apparentent. C'est quand même du téléphone. L'autre, c'était la première ligne de téléphone cellulaire. C'était avec le petit-fils ou quelque chose comme ça de Graham Bell. Et ça a eu lieu quasiment à la même date, genre, à l'intérieur d'une portion d'une semaine. C'est hot, hein? C'est comme le fun de voir. C'est très cool. Donc, ça, c'était ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Allons-y rapidement, vraiment, que quelques faits de jeux vidéo dans cette Fate Edition. Un groupe d'enfants ont découvert qu'ils pouvaient fabriquer des copies de 25 cents glacées. Est-ce que j'ai déjà fait celui-là? Non, okay, je parfait. Crois pas. J'étais plus sûr. Ouais, je pense que mon oreille banque. A comme... Ouh. Ils pouvaient fabriquer des répliques, dans le fond, de 25 cents en utilisant de l'eau et du sable. Et qu'ils pouvaient jouer aux arcades gratuitement avec ça. Ben non. Mais de l'eau et du sable. Ben là, c'est bien malade, je voudrais ça. C'est ça, une cuillerée à thé de sable. Pour le jeu Black and White, Lionhead Studios a pris une liste des 200 prénoms les plus populaires dans le monde occidental. Et si votre nom de profil est un de ces 200 noms les plus populaires, là, une voix va chuchoter ton nom après 2 heures du matin pour te faire peur dans Black and White. Oh, wesh! Ah, Marie-Ève! Oh! Ça fait vraiment peur, là. Oh non, je veux pas! Mais seulement, c'est dans les 200 noms les plus populaires. Oh non! J'adore l'idée, je trouve ça vraiment cool. Oh non, moi, j'aime pas ça! Moi non plus. J'aime l'idée, mais j'aime pas la vivre. T'sais. Donc, on jouera pas à ça. Non, vraiment pas. Black and White. Juste avant sa mort, Marlon Brando avait enregistré du dialogue pour le jeu Godfather The Game. Ça, c'est déjà un fait connu. Par contre, son enregistrement n'a pas été utilisé à cause de la condition de sa santé. Dans le fond, il y avait une voix très, très, tu sais, qui marmonnait. Donc, la voix de Brando a été imitée plus tard par un imitateur. Dans le jeu Le Parrain de Godfather. Oh. Ben, y'a-tu imité sa mauvaise voix? Il a imité la voix classique connue de Marlon Brando. Le plus récent jeu à être sorti sur la Sega Genesis est sorti en 2010. Sega Genesis, c'est la vieille console qui était en même temps que la Super Nintendo. Ouais. C'est très vieux, donc c'est sorti en 2010. Et a été tellement été un succès qu'ils ont eu une deuxième run de distribution, une deuxième ronde. Ensuite de ça, la caméra du Game Boy, il y avait un périphérique qui s'appelait la Game Boy Camera, avait plusieurs images de Pokémon et c'est sorti presque 4 mois avant le premier jeu Pokémon Red and Blue en Amérique du Nord. Donc la Game Boy Camera était le début de Pokémon aux États-Unis. Oh. C'est quand même drôle. Ensuite, toujours dans Pokémon, le mot Pikachu vient de la combinaison de Pika Pika, qui est l'onomatopée japonais pour quelque chose qui brille, tu sais, ouais. Brillant, gling gling. Et chouchou, qui est le bruit japonais pour un squeaking, genre, tu sais, un peu comme un jouet à chien, un jouet pour chien, le petit bruit que ça fait. Donc, un squeak. Donc, c'est une combinaison de ça. Donc, pika pika, quand Pikachu dit pika pika, essentiellement, il dit, avec sa voix, brillant, brillant. Ouais, oui, c'est ça, j'allais dire, parce que des fois, on l'entend souvent quand il se bouge, je sais pas quoi. Pika pika! Pika pika! Brillant, brillant! C'est moins cute en français. Ouais, j'aime mieux pika pika. Et finalement, des données inutilisées et des dialogues donc de la voix dans le jeu Skyrim suggèrent que le joueur à l'origine était capable de tuer des enfants. Hein? Mais on a finalement enlevé ça plus tard dans le développement. Mais dans les données du jeu, il y a des voix d'enfants en train d'être tués dans Skyrim. Je pense qu'ils ont enlevé ça. C'est un petit peu déplacé. C'est ça. Ça doit être un jeu, là, mais quand même. C'est un petit peu trop réaliste. Et Sega parlait à Microsoft. À l'origine, la Xbox originale devait être capable de jouer des jeux de Dreamcast. Mais les négociations ont mal terminé. Microsoft a refusé d'inclure la connectivité Internet pour les jeux de Dreamcast. Donc, finalement, l'entente a été annulée. Et il n'y a pas eu la possibilité de jouer à des jeux de Dreamcast sur la Xbox. Oh. Voilà pour cette Fate Edition. Ce qui nous amène, comme à chaque fin d'émission, et c'est le moment que vous préférez, voici la geekette en devenir. Et Et Marie-Ève Picard est notre geekette en devenir. Qu'as-tu appris et qu'as-tu à nous apprendre aujourd'hui? Mais tout plein de choses, mon ami! Je suis excitée! Écoute! trop quand même! Ouais, c'est ça, d'une oreille, là! Bouche l'autre! Pour faire ça, la semaine passée, là, on parlait là, de couple, de choses. Que le mariage, il y avait un gâteau, oui, je pense. C'est ça, tu sais, faire plaisir à l'autre, des choses comme ça. Ouais. Alors, c'est quoi la prochaine étape, d'après toi, pour faire plaisir à l'autre? Dans un couple? Ouais. le divorce, non, je sais pas. Non, donner tout ton argent, acheter des bijoux. Je sais pas. Oui! Hein? Bonne réponse, non, c'est non? Pas vrai. Okay. Mais moi, j'aime bien cette réponse. Quand même. Non, mais tu sais. Des photos. Des photos. Des photos. Ben, c'est cute, une photo, ça te rappelle que t'aimes l'autre. Et, ben oui. Ouais. Mais ça prend des photos spéciales. Ben oui, parce que là, c'est une photo de couple, c'est plate. Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est juste ça. De face, moi. Et encore une fois, la semaine passée, on a parlé du couple qui s'était photoshopé dans des émissions. Pas dans des films. Des blockbusters, oui, je pense. Dollywood, oui. Mais là, il y a un photographe, Paul Schneegenberger. Burger. Qui en fait là, c'est comme il a installé une caméra, okay. En fait, qui prenait des photos pendant la nuit, comme par exemple de minuit à 6 heures du matin. Ok, pendant 6 heures de long, il prenait des photos. Exactement. Okay. Et puis à la fin, dans le fond, ça fait comme un genre de look un peu fantôme, comme un peu en noir et blanc, okay. Avec. Parce que dans le fond, ça te prenait en photo pendant que tu dormais. C'est quand comme tu bouges. C'est ça, quand tu bouges. Puis ça fait comme, comme on dit en anglais, long exposure shot. OK. Long exposure, c'est genre la photographie qu'on appelle longue pause. C'est de prendre un temps de pause avec l'obturateur de l'appareil photo. Et là, on voit que je connais pas, puis j'ai demandé la question à quelqu'un qui a l'appareil photo. Pour capturer nettement les éléments fixes d'une scène tout en obscurcissant les éléments en mouvement ou en les rendant flous. C'est ça. Nous dit Wikipédia. Donc, ça a l'air d'être des fantômes. Ben, c'est ça. Quand tu regardes l'image, là, on dirait vraiment... ça fait très fantomatique, là. T'sais, on voit... comme s'il avait empilé là, plusieurs photos une par-dessus l'autre. Là. Un peu comme genre du time-lapse, mais en une seule photo. Donc, tu vois vraiment les pauses. Par exemple, le gars a commencé en dormant à gauche, puis il a fini exact. Au milieu du lit. Et tu vois les bras qui bougent, etc. Mais tout ça dans une seule photo. C'est ça. C'est cool. C'est vraiment cool. Bonne idée. Ça, c'est des belles photos. Vraiment. Oui. Ça fait un beau quart du mur. Hein? Ben oui. Juste en avant de ton lit. Oui, c'est ça. Ça regardait dormir, c'est le jour de la fin. Oui, mais c'est non, ça. Un miroir sur le plafond à place. Ben oui. Oh, bon. Rabat-joie. Oui. Et bon, en fait, continuons. Savais-tu que les écureuils, nos fameux amis les écureuils, ouais. Quand ils regardent quelque chose là, qu'ils veulent, là, comme une noix par exemple, ouais. Ben, ils clignent pas des yeux. Ils ont les yeux grands ouverts. Ouais. Puis là, ils regardent. Là. OK. Ben, en fait, il y a un artiste, Santiago Perez, qui trouvait ça drôle un peu. Et en fait. Ça l'est, oui. Et il y a eu l'idée, dans le fond, là, de faire des peintures, dans le fond, en les transformant un peu parce qu'il trouvait que ça avait l'air comme des super-héros. OK, tellement qu'il était focusé sur quelque chose, oui, donc il exactement. Avait mis un déguisement. Genre. Oui, c'est ça. Okay. C'est vraiment cute. C'est des Photoshop, parce oui. que c'est très, très beau. C'est pas, en tout cas, je pense pas que ce soit du dessin. D'après moi, c'est... Ben, c'est du digital painting. Donc, on le voit en Iron Man, Superman, Batman. Exact. Yoda, même. Oui. C'est cute. C'est pour ça. Oui. Le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour faire suite au début de l'émission, là, on parlait de petits chats. Oh, miaou, miaou, miaou, petit chat. Oui, en fait, là, ça, je trouvais ça vraiment cool. C'est un site web, dans le fond, que tu peux aller. Et tu peux créer, comme tu veux, dans le fond, des images de chats. OK. Fait que, mettons que tu es un créateur de site web, puis que là, il te reste une place... Un espace vide. Ouais. Exactement. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que je pourrais mettre là? Pourquoi pas la photo d'un chat? Bien sûr. C'est toujours bienvenu. Et là, tu as besoin de différentes tailles, des fois, mais par c'est ça. Tout. Fait que tu peux, il y a deux options. Tu peux soit aller choisir n'importe quelle photo là-dessus, sur le site, puis la prendre et la mettre sur ton site à toi. Mais si tu veux, puis tu as du temps, tu peux aussi la créer. Ah, avec ton propre chat, exact. Mettre ça sur la place publique. C'est sur... ça. Fait que tu peux la mettre de plusieurs grandeurs, etc., etc. C'est playskitten.com. Exactement. Mmh, oui. Et évidemment, on ne peut pas finir la chronique sans belles photos de Disney. À chaque semaine, sauf la semaine passée, je pense. Oui. On avait oublié quelque chose de Disney la semaine passée, je pense. C'était triste, hein? Mais c'est pas grave, il y avait d'autres choses. Ouais. Hein? Et alors là, la différence, c'est que c'est les hommes de Disney, dans le fond. Les méchants. Aha, les vilains. Les bad guys. Mm-hmm. Et qui sont déguisés en leur princesse. La princesse de leur propre film. Exactement. Okay. Oui. C'est cute. On s'entend. Mais les gens ont trop de talent. Ah, c'est fou, là. T'sais, par exemple, mettons, c'est quoi, La Belle et la Bête? Le méchant, c'est Gaston, apparemment. Donc, on voit Gaston déguisé en Belle. Oui. J'aime ça. C'est trop talentueux. Moi, à chaque fois que je vois ça, je fais comme, bon, je suis dans ma poche. Ouais, mais là, t'es pas un artiste non plus? Ben non. T'es un geek. Exact. C'est pas pareil. C'est pas le geek et artiste, mais bon. Geek artiste. Voilà. Oh. C'est tout? Ben oui. C'est tout? Ben oui. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Ben quand même, ça m'apprendra à en vouloir plus à chaque semaine et ça tombe bien qu'il y en aura plus la semaine prochaine. Et voilà. Oui. C'est donc tout pour la geekette en devenir. Les liens sur assemblagerequis.com et c'est tout pour l'émission au complet aussi. Oh non! Une autre édition du Mathieu Plante Show qui se termine. On se retrouve la semaine prochaine. C'est en direct les mercredis à 16h, en rediffusion les samedis à 15h. À consulter la programmation complète de C'est fou sur cifou.ca. Retrouvez les liens de l'émission sur assemblagerequis.com. Les balados diffusions sont là aussi. Merci Marie Picard. Ça me fait plaisir, Mathieu Plante. Good job, as always. Thank you. See you next week. Yep. Puis merci à toute l'équipe fictive aussi. Ah oui, faut pas les oublier. On le dit jamais assez. Bye. Bye-bye.